السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous voici une nouvelle fois réunis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant aide et assistance pour l'étude de notre épître, les 40 hadiths de Nawawi rahimahullah. Dans le cours dernier, nous avions lu le 19e hadith. Nous étions arrivés à la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, noble compagnon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, et sache que si toute la communauté se réunit pour t'apporter un profit quelconque, ils ne te profiteront en rien si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour toi. Et s'ils se réunissent pour te nuire par un mal quelconque, alors ils ne te nuiront en rien si ce n'est par une chose qu'Allah aura décrétée à ton égard. Les plumes sont levées et l'encre des feuillets a séché. Le noble savant, le Cheikh Salih ibn Abdelaziz al-Cheikh Hafidhahullah, nous dit en commentaire de ce passage du hadith. Il nous dit, Hafidhahullah, il y a dans cela ce qui montre l'immense place du tawakkul ala Allah, c'est-à-dire du fait de placer sa confiance en Allah seul, subhanahu wa ta'ala, al-tawakkul. Il nous dit, Hafidhahullah, et le tawakkul ala Allah est un des plus immenses degrés de la foi. Il est même le rang des prophètes et des envoyés, dans la concrétisation de leur immense servitude envers leur Seigneur, Azza wa Jal. Et le sens du tawakkul est que le serviteur accomplisse les causes qui lui ont été ordonnées d'accomplir, puis qu'il délègue son affaire à Allah Azza wa Jal, quant au profit qu'il peut tirer de ces causes. Donc, c'est-à-dire que le serviteur accomplit les causes et place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul quant à ce qu'il peut avoir comme profit à travers ses causes, que cela soit pour obtenir un bien ou pour repousser de lui un mal. Et avant de continuer les propos du Cheikh Salih al-Cheikh Hafidhahullah, nous tirons de ses paroles un point important dans ce qui concerne le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obtention de profit, qu'il soit religieux ou mondain, et dans l'éloignement de tout mal ou toute cause de mal. Ce point est que le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que le serviteur dise qu'il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, comme de dire « Ana atawakkalu ala Allah », je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ne veut aucunement dire qu'il ne doit pas accomplir les causes qui lui sont demandées, ou bien qu'il doit négliger ou être négligent dans cela. Bien au contraire. Car parmi ceux qui vient prouver le véritable tawakkul, le tawakkul correct de la personne, il y a le fait qu'elle accomplisse les causes qui lui sont demandées d'accomplir. Cela, comme nous l'avons vu dans les propos du Cheikh Salih Ali Cheikh, Hafidhahullah. Et que la personne se remette à Allah subhanahu wa ta'ala seul quant au profit qu'elle peut avoir à travers ses causes. Donc le tawakkul est un acte du cœur. Donc le cœur ne doit se diriger que vers Allah subhanahu wa ta'ala seul dans l'accomplissement des causes. Donc comme cité dans le hadith, rien ne peut toucher le serviteur si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul aura décrété. Et rien ne peut le nuire si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul aura décrété. Et les preuves montrant que le fait d'accomplir les causes ne va pas à l'encontre du tawakkul sont nombreuses dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit à propos du djihad, d'après l'essence du verset. Et préparez-leur tout ce dont vous êtes capable comme force. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Surat Al-Anfal, verset 60. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, à propos de la prière du vendredi. Et lorsque la prière est achevée, alors répandez-vous sur la terre et recherchez des bienfaits d'Allah. Surat Al-Jumu'ah. Et il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez de ses grandes étendues et mangez de ce qu'il vous procure comme subsistance. Surat Al-Mulk, verset numéro 15. Donc nous voyons dans ces versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'accomplir les causes. Dans sa parole subhanahu wa ta'ala, répandez-vous sur la terre et recherchez des bienfaits d'Allah. Et sa parole subhanahu wa ta'ala, parcourez de ses grandes étendues et mangez de ce qu'il vous procure comme subsistance. Et quant à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est sallallahu alayhi wa sallam le guide et l'imam des pieux, donc l'imam des mutawakkilin, de ceux qui placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il a été rapporté à son sujet sallallahu alayhi wa sallam qu'il enfilait lors des combats deux boucliers contre les ennemis. Qu'il enfilait sallallahu alayhi wa sallam deux boucliers contre les ennemis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Sayyidul Mutawakkilin, le guide et l'imam des Mutawakkilin. Et avec cela, il ne négligeait pas, sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'accomplir les causes. Tout comme il fut rapporté par At-Tirmidhi, d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui a dit, à propos d'un homme qui a questionné le messager, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de sa monture. Cet homme a dit, ô messager, est-ce que je l'attache et place ma confiance en Allah ou bien la laisse détacher et place ma confiance en Allah. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, attache-la et place ta confiance en Allah. Attache-la et place ta confiance en Allah. Donc ce qui vient montrer que le tawakkul ne va pas à l'encontre du fait d'accomplir les causes qu'Allah a légiférées ou les causes permises. Le noble savant, le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafirahullah, nous dit à propos de ce hadith, donc à propos de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, i'qilha wa tawakkal ala Allah, attache-la et place ta confiance en Allah. Il nous dit, hafidhahullah, dans cela, il y a ce qui montre que le tawakkul ne contredit pas le fait d'accomplir les causes permises. Et il se peut même que le fait de les réunir tous deux soit meilleur. Donc le tawakkul et les causes. Et il nous dit, hafidhahullah, et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a rencontré un groupe de gens du Yémen. Donc, il est cité dans le Athar que ces gens-là accomplissaient le Hajj sans provision. Et lorsqu'ils arrivaient, demandaient aux gens. Donc, Omar radiallahu anhu leur a dit, qui êtes-vous? Ils ont répondu, nous sommes les mutawakkiloun. Donc, ceux qui placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il a répondu, radiallahu anhu, vous êtes plutôt les muta'akkiloun, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des mutawakkiloun, mais des gens qui se nourrissent à travers ce qu'ils prétendent être le tawakkul, car ils n'accomplissent pas les causes, et du fait qu'ils n'ont pas accompli les causes, ils sont exposés au fait de tendre la main et de demander aux gens. Puis il a dit, radiallahu anhu, certes, le véritable mutawakkil est celui qui plante sa graine dans la terre et place sa confiance en Allah. Et celui qui plante sa graine dans la terre et place sa confiance en Allah. Ittaha kalamuhu hafidhahullah. Donc, on voit ici l'importance d'accomplir les causes dans le tawakkul. Le tawakkul qui lui est un acte du cœur. Donc le cœur ne se dirige que vers Allah subhanahu wa ta'ala, car il sait que toute l'affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala seul, et que ce qu'il va faire comme cause ne sont que des causes. Donc la personne accomplit les causes qui lui sont légiférées ou permises. Dans ce qui est du point de vue religieux, comme les actes d'obéissance, comme le fait de délaisser les péchés, qui seront une cause de l'entrée au paradis, et que la personne soit préservée du feu. Cela en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en lui demandant l'aide à lui seul subhanahu wa ta'ala. Et parmi les athars rapportés à ce sujet, ce qui a été rapporté de Yusuf ibn Asbard qui a dit: œuvre comme un homme qui ne sera sauvé que par ses œuvres, et place ta confiance en Allah comme un homme qui ne sera touché que par ce qui lui a été décrété. Donc œuvre comme un homme qui ne sera sauvé que par ses œuvres. Donc l'incitation à œuvrer. Et place ta confiance en Allah comme un homme qui ne sera touché que par ce qui lui a été décrété. Donc ici l'acte du cœur, le fait de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et la personne place aussi sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul pour ses intérêts mondains. Cela en accomplissant les causes qui lui sont soit obligatoires ou permises, comme la nourriture, la boisson, comme le fait d'accomplir les causes lui permettant de se préserver du froid ou de la chaleur, des actes qui vont être à certains moments obligatoires. Car si la personne délaisse les causes et cela amène à ce qu'elle subisse une nuisance ou autre, alors elle sera blâmée pour cela et aura accompli un acte interdit. Donc certaines causes sont obligatoires, comme le fait de se nourrir pour être préservé de la mort, de prendre de la boisson, de l'eau, pour être préservé de la mort ou autre. Et elle accomplit aussi les causes qui lui sont licites, permettant d'obtenir des gains, permettant d'obtenir sa subsistance. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme le faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs exemples à suivre après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à la personne qui se trouve dans une situation où elle ne possède aucune cause qu'elle peut accomplir, aucune cause apparente, le noble Cheikh Salih al-Cheikh, hafidhahullah, nous dit à son sujet: alors celle-ci délègue son affaire à Allah, comme l'a dit le croyant du peuple de Pharaon. Il a dit, d'après le sens du verset, et je délègue mon affaire à Allah. Donc la personne à ce moment-là s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala seul, car elle n'a pas de cause apparente qu'elle peut accomplir. Et le fait qu'elle se remette à Allah subhanahu wa ta'ala est en réalité une cause, car ceci est un acte du cœur. Le fait que le serviteur dirige sa confiance, ses espoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala seul pour obtenir ce qu'il espère et pour repousser de lui tout mal. Puis dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, connais Allah dans l'aisance et il te connaîtra dans la difficulté, c'est-à-dire connais le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, connais ce qu'il mérite subhanahu wa ta'ala comme droit à l'adoration seul, comme perfection, comme seigneurie, comme droit à l'obéissance, dans l'aisance, et il te connaîtra dans la difficulté, c'est-à-dire qu'il sera avec toi de par son secours, de par son aide, de par le fait qu'il t'accordera la réussite dans les moments de difficulté. Donc le serviteur connaît Allah subhanahu wa ta'ala, se rappelle du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance, et Allah le récompensera par le fait qu'il l'aidera dans la difficulté. Il sera avec lui de par son aide, de par son secours, son assistance. Cela comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, certes Allah est avec les pieux et ceux qui sont bienfaisants. Certes Allah est avec les pieux et ceux qui sont bienfaisants. Donc Allah est avec eux de par son aide, de par son secours, de par son assistance, en plus de sa science. Puis quant à sa parole sallallahu alayhi wa sallam, et sache que le secours est avec l'endurance, et que le soulagement est avec la peine, et qu'avec la difficulté vient une facilité. Donc il y a dans cela une incitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'endurance, à la patience. Anna an-nasra ma'a as-sabr, que le secours vient avec la patience, l'endurance. Donc, la patience, l'endurance est une cause menant au secours, menant à la victoire. La patience, l'endurance dans plusieurs points. La patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à l'accomplir de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et de la manière qu'il a légiféré. La patience dans le délaissement de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La patience face aux décrets douloureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut décréter sur son serviteur. Donc une patience qui a des mérites et des profits qui sont nombreux. Parmi ceux-là, ce qui est cité dans le hadith, le fait qu'elle soit une cause menant au secours, menant à la victoire. Parmi ses mérites, le fait que cette patience sera une cause pour l'expiation des péchés du serviteur. Donc le fait que le serviteur patiente et endure, en plus que cela le mène à la victoire et la réussite, sera une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui expie ses péchés. Comme cela sera une cause pour qu'il puisse obtenir des récompenses provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, et certes le soulagement vient avec la peine, le serviteur trouve dans cela une bonne annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une bonne annonce qui vient apaiser le cœur du croyant. Cela de par le fait qu'il croit en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au fait que la peine, si difficile soit-elle, ou si longue soit-elle, sera suivie obligatoirement et inévitablement d'un soulagement provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus encore, pour celui ayant une compréhension plus poussée de ce hadith, celui qui médite ce hadith et d'autres textes religieux, comme nous le cite l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, verra dans toute peine ou difficulté qui le touche une bonne annonce provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala quant à un soulagement et une facilité qui seront tous deux proches. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait informé à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam que la peine vient avec le soulagement et que la difficulté est avec la facilité, montre que toute peine ou toute difficulté qui touche le serviteur sera associée d'un soulagement. Donc le serviteur touché d'une peine reçoit une bonne annonce en réalité. Il sait que le soulagement se rapproche. Lorsqu'il a une difficulté, il sait que la facilité se rapproche. Il sait que la facilité se rapproche. Allah nous dit d'après le sens du verset, سَيَجْعَلُ ba'da عُسْرٍ yusra. Et Allah fera qu'il y ait une facilité après la difficulté. Donc le serviteur obtient par cela une bonne annonce et endure, patiente, en espérant le soulagement venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant les récompenses réservées à celui qui patiente et qui endure. Puis l'auteur, rahimahullah, nous dit Al-Hadith Al-Ishroun, qui est le hadith d'Abi Mas'oud, radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il fait certes partie de ce qui est parvenu aux gens provenant des premières prophéties, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Rapporté par Al-Bukhari. Donc ce hadith fait partie des ahadiths montrant un des mérites de la pudeur, Al-Haya, qui est sans aucun doute un des nobles comportements auquel appelle l'islam. Donc ce hadith, qui sera le hadith que nous traiterons bi'inillahi tabaraka wa ta'ala dans notre prochain cours, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense de nous accorder une science profitable et des œuvres pieuses, de nous préserver de tout mal apparent ou caché. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي إليها إلا أنت وقنا سيء الأخلاق والأعمال